Salut, comme tous les dimanches, vous retrouvez Lost in Space sur Radioactive. Qu'il y ait ou pas des élections présidentielles, d'ailleurs je me demande combien de personnes écoutent la radio et combien sont arrivées à leur poste pour savoir qui a passé le premier tour. Mais bon, c'est un autre débat. Il faut savoir que ce week-end était un week-end spécial pour les gens qui aiment la musique. On a eu le Disqueur Day, j'en ai même profité pour acheter de très bons disques. Et voilà, et on attaque directement, et bien, tout simplement, notre émission avec State of Mind, qui vont vous chanter How to Survive Emocore. Allez, c'est parti. Les Go Tsunami à l'instant sur Lost in Space. On va continuer en musique avec quoi ? Avec le 7e discours pour une meilleure existence. Le tout, il y aura encore plein d'autres morceaux bien évidemment, le tout va être entrecoupé d'extraits d'un excellent livre d'Eric Kazan qui s'appelle Première mesure révolutionnaire. Allez, c'est parti. We'll be right back. Ce qui caractérise la relation entre la finance privée d'une part et de l'autre les gouvernements, les banques centrales et la Commission européenne, c'est une osmose totale. Elle est assurée par un double mécanisme, le très officiel lobbying et le pantouflage. En France, la grande perspective de carrière des inspecteurs des finances est de passer à la tête de banques privées, avec multiplication de leurs salaires par 10 ou par 20. C'est ce qui explique entre autres le honteux recul du gouvernement socialiste sur la réforme des banques, promesse électorale de Hollande. Il s'agissait de séparer les activités d'affaires des activités de dépôt, c'est-à-dire ne plus mélanger dans les mêmes caisses l'argent des épargnants et les fonds pourris issus de la dérégulation financière. Mais les inspecteurs des finances qui ont préparé le projet ne tenaient pas à mécontenter leurs futurs employeurs. L'argent des dépôts continuera donc à servir de coussin pour amortir les désastres spéculatifs de la finance libéralisée. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh-ouh-ouh. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. There's no time to think, I take the les marchés en sont arrivés à prendre directement en main les pays les plus endettés. Pour que la Grèce reste dans la zone euro, la Troïka, Union européenne, FMI, BCE, y a instauré son pouvoir de fait qui ne respecte même plus les apparences démocratiques. Chypre a récemment subi le même sort et le Portugal, l'Espagne et l'Italie sont sous la surveillance de cette nouvelle Sainte Alliance. Si la crise révèle quelque chose, c'est moins la cupidité des marchés que la sujétion politique de tous les États à la logique économique. Fire in your way away. taking on the line. You're in the wild. I hear you love your way. Your face is the best of the world. Have a nice day. Downtown, the kind of fear. Hot fire is your way away. Downtown, the kind of fear. Hot fire is your way away. En France, on peut dater le début de la désagrégation du pouvoir constitué. C'est le moment où, en 1983, les socialistes ont pris le tournant de la rigueur. C'est-à-dire quand ils ont décidé que gouverner ne serait plus rien d'autre que s'adapter au cours des choses. Par la suite, c'est encore un socialiste, Feu Bérégovoy, qui a organisé en 1986 la déréglementation de la finance. Depuis lors, les pouvoirs successifs n'ont fait que prendre acte de la dégradation des territoires matériels et subjectifs dont ils avaient la charge, en se contentant de créer des ministères dont le nom seul, redressement productif, identité nationale, économie solidaire, égalité des territoires, semble fait pour conjurer la réalité. Stop! today, but fuck tomorrow. I don't know, I guess that we rub through. Fucked up girls like drug up guys, well, that won't keep them warm at night. It's just like a grape in a bottle. It's wine today, but piss tomorrow. I don't know, I guess that we roll through. Dire que le système ainsi engendré est cynique, injuste et brutal ne suffit pas. Protester, manifester, pétitionner, c'est admettre implicitement que des aménagements sont possibles face à la crise. Or, ce qu'on appelle crise est un outil politique essentiel pour la gestion des populations aussi bien productives que surnuméraires. Le discours de la crise est répandu dans tous les pays industrialisés et relayé en permanence par les médias et les appareils d'État. Lutte contre la crise et guerre contre le terrorisme vont tout naturellement de pair, étant toutes deux fondées sur le même réflexe élémentaire, la peur du chaos. Make it easy for us all to get along. still a lady in a private school. Well, her lips are so stiff and Jack Wills is so cool. I wear a baseball cap and thus branded a fool. But if you piss me off, then you'll be eating my drool. We're not stealing food or hiding in the loos. I'm dragged up on the hot counter to serve a ball of food. A fat teacher approaches with a wobbly hip, and I politely inform her that we're all out of chips. She gives me a glare as I bite my fingertips. I have a new potatoes and she absolutely flips. I ponder how hard her life must be. I mean, it's all on a plate, thanks to Mama and Daddy. But regardless of the car and this cushy job, this bitch won't settle without corn on the cob. One day I got so bored and idle, served enough sausage rolls to make me suicidal. To combat this state, I had a wank in the quiche, and I watched the headmaster get it stuck to his teeth. I wasn't bored anymore, and I couldn't stop my laughing as I scrubbed up on the floor. And next time Jeffrey's mother asks him what he had for tea, he can tell her it was a fluid that once belonged to me. Life as a dinner lady, oh, and it's a true story. Giggledrick School. Après avoir distribué du crédit à bon marché pour faire tenir tranquilles les pauvres, après l'explosion de diverses bulles financières consécutives à l'endettement généralisé, les marchés réclament maintenant l'austérité, qui, espèrent-ils, leur permettra de récupérer leur mise aux dépens des peuples. Processus baptisé « retour à l'équilibre financier ». Les gouvernements adoptent le fameux argument thatchérien TINA « There is no alternative » et suivent les directives des marchés en utilisant le chantage à la catastrophe pour faire accepter les sacrifices nécessaires. Let's go! Les peuples, eux, ne sont pas dupes. Les boniments répandus par les économistes ne suscitent que moquerie. Les rencontres au sommet censées l'une après l'autre mettre fin à la crise tombent dans une remarquable indifférence. La haine de la bureaucratie bruxelloise est générale, comme le mépris du personnel politique, toutes tendances confondues. Personnel politique, voilà qui désigne adéquatement la domesticité bavarde proposée à l'intendance nationale, à la gestion quotidienne, à la basse besogne de faire accepter au peuple les décisions prises par les véritables maîtres. Schwester hämmert an die Scheißhaustür. Halt die Fresse, Mensch, ich urinier. Ich undulier. der St. Peter bellt. Das ist meine kleine Welt. Fehlt nur noch, dass St. Peter bellt. Das ist meine kleine Welt. Fehlt nur noch, dass St. Peter bellt. Das ist meine kleine Welt. Fehlt nur noch, dass St. Peter bellt. Muttis Augen sind ganz rot. Der Alte auf dem Sofa tot. Was schreiben wir aufs Grabemal? Im Fernsehen kommt grad Rosenthal. Le capitalisme démocratique n'est pas sérieusement attaqué. On parle de le corriger, de le rendre plus juste, plus vivable, plus moral, ce qui est contraire à son principe de fonctionnement, surtout depuis la crise dont le traitement repose sur les bas salaires et la précarité organisée. Nulle part il n'est question de lui faire subir le sort qu'ont connu par le passé bien des régimes d'oppression, de lui donner une bonne fois congé et pour toujours. looked just like an Elvis from hell. My heart is broken, so I'm going to hell. Bury me way down deep in hell. I'm a stew drum man, I wanna go to hell. Oh, there goes Tanabe. Gonna buy me a graveyard of my own. And kill everyone who ever done me wrong. I'm gonna buy me a gun just as long as my arm. And kill everyone who ever done me harm. Yeah, I'm gonna get happy. All dressed up like Elvis from hell, hell. Ooh. rabies is a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, yeah. Rabies is a killer, rabies is a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, yeah. Rabies is a killer, rabies is a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, yeah. Rabies is a killer, rabies is a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, yeah. Rabies is a killer. On ne peut rien attendre de l'extrême gauche dont la rhétorique est depuis longtemps inaudible, la vitalité éteinte et l'idée du bonheur parfaitement sinistre. Ces militants les plus estimables, ceux qui viendront du bon côté le moment venu, ne croient plus vraiment au trotskisme fossilisé commun à la plupart des organisations et groupuscules. Ils sont là par fidélité, faute de mieux, en attendant. En France, les rodomontades du parti de gauche éveillent un certain écho. Mais ces militants comprendront avant longtemps que coiffer le bonnet phrygien, chanter la Marseillaise et traiter de bouffons les révoltés de banlieue ne fait pas plus un programme que Gambetta ne ressemblait à Blanqui. What? black dot living room couch professor. Thank you. to the sun. My reaction will take no more, no more, no more, no more. It won't work, it won't work, no more. I knew I had when I grew up. I know that the world sucked. Now it's like the same words. But how can I have to die? My reaction will take no more, no more, no more, no more. It won't work, won't work, no more. Control, control for evil, what? I'm a robot, think of that thought. Yes, it's not the problem, it's gonna last. I need to live, I need it now. My reaction will take no more, no more, no more, no more, no more, no more, no. Sentier lui paraissait s'étendre sur des milles. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver. La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda ver. La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver. Yeah. looking for a guy who's a real good ball. Honey, don't you look at me. If you're looking for a guy that's gonna sniff your smalls, sugar, don't you look at me. Oh, I need a whip and a telling eel. I get so goddamn horny when I hear you squeal. I don't wanna talk to you. I just wanna torture you. If you're looking for a guy that's gonna suck your eggs, honey, don't you look my way. I'm the kind of guy that pulls the flies off legs, so listen to what I say. Oh, I need a feathers and a can of beans. I really get my rocks up when I hear you scream. I don't wanna talk to you. I just wanna torture you. If you're looking for a guy that's gonna tweak your nips, honey, don't you look at me. If you're looking for a real sassy little guy that's gonna lick you all the way upside your hips, don't you ever look at me. Don't you do that. Hand me the switch and a sausage roll. I got to make you suffer like a lump of coal. Well, I don't wanna talk to you. I just wanna torture you. Yes, I do. Vous êtes toujours sur Lost in Space, on vient d'écouter à l'instant Alberto y los Trios Paranoias qui chantait Torture You, et c'est l'heure du premier live de cette soirée. Le premier, le seul d'ailleurs, ce seront les 16 Horsepower, enregistrés le 8 juillet 1999 à Minneapolis. Allez. Thank you. Feel like I'm on fire. Nothing matters to me in this Take me quickly, for the struggle, take me. Yeah. Is the there's something behind my head. I can look good, I swear, when the spirit blows all over and all through you, my ugly bones. To be Thank you. we wait for the master's voice, and if that way together.